9, on y paye. Louis paye, Louis baby. Hey. On est sale, grand le West Music. Hey, hey, hey. Enlever les yeux au ciel, toujours triste quand on tease. Ce rétro qui fait voir dans la mer les rêves brisés. Prends le sale 2011, trop des terres comme des Hugo. Les jaloux tentent de lire l'heure sur ma putain de montre Hublot. ROH2L, Sweeney Baby. Tu nous jettes tellement l'œil, tu t'en fais tomber tes lentilles. A tous tes jaloux, passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. J'arrive, j'prends mon cash, n'inga death, mangue et fire. Anis au romage et violé le peura comme un curé. Appelle-moi Fouini Babe, Louis Babe ou comme tu veux. On a serré ta sœur, ton petit frère et mon neveu. Banlieue sale canne, nique sa mère le festival de Cannes. Man au vent la cam, mets-toi ça dans zen ou dans le crâne. J'arrive en S600, puissant. Prolique dans la boîte à gants, on veut ta meuf nous kiffe car on est jouissant. DJ Ride et Darkness, All FPS, double N. Ta meuf ne parle même plus la bouche pleine. J'ai demandé au chétain la route de l'enfer. Il m'a dit tourne à droite au VIP et continue jusqu'au milliardaire. ROH2S, Sweeney Baby. Tu nous jettes tellement l'œil, tu t'en fais tomber tes lentilles. A tous tes jaloux, passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qui déboule en putain de gamos, putain d'un frappasse. VIP lui vit en compagnie de 2-3 bombasses chromées. Et le flingue violé, et l'alias Wallah. Qu'on est dingue, ton équipe libère la place. Nous, la grande classe, you, la grande crasse. Coup, car cher de me spare dans ta face. Une piste de bac pour la street quand je baise une keuf sur la lead. Mets-toi à quatre pattes que je brûle ta cellulite. Ah, je perce du sud au nord, de l'est à l'ouest, de fesse en fesse, de caisse en caisse, de test en test. Mon flow les stress. Esma, faut que je pimpe la Hesra. J'suis partout, j'confonds ma glace et mon plasma. Défonce les fils de pute qui m'aiment pas. En moi, y'a du Mohamed et du Temba. Prends-moi pour un de ces gentils bouffons de rappeurs. Comme ça tu verras rien venir, la putain de ta sœur. J'ai le dernier taser pour coiffer comme ton king. C'est comment je résonne comme mon gun dans ton parking. Y'a que les traîtres qui prennent pas de parti. Seuls les frères qui peuvent te canner pour moi sont de la partie. ROH2S, Sweeney Baby. Tu nous jettes tellement l'œil, tu t'en fais tomber tes lentilles. A tous tes jaloux, passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? A tous tes jaloux, passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Hey, toc, toc, toc, cherche la merde, elle est pas là. J'ai trop de points communs avec les bleus de Mandazaya. Arrête le rap, ton label ne paie pas comme la Hagra. Stop, coupe le son, kiffe la violence a cappella. Mets-moi une passe pour ce soir, je dîne avec la daronne. J'partirai d'une balle dans le dos car devant moi y'a personne. Gucci sale, musique Gucci, Gucci swag, c'est obligé. Frère, on est des PDG, il leur manque le G. La fouine qui a pété, on peut même donner ça en créole. J'marche armé depuis que les anges de pendent à leurs auréoles. Fouini, Fouini, paye, balance le venin et les massas. Moi j'aime les poulets que dans le yassa. Fouini, paye. Enlever les yeux au ciel, toujours triste quand on teasait. Ce rétro qui fait voir dans la merde les rêves brisés. Prends le sale 2011, trop des terres comme des Hugo. Les jaloux tentent de lire l'heure sur ma putain de montre Hublot. ROH2S, Fouini, baby. Tu nous jettes tellement l'œil, tu t'en fais tomber tes lentilles. A tous tes jaloux, passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? A tous tes jaloux, passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Passe-leur le salam, papa, passe-leur le salam. Yeah, ROH2S, la fouine. Vous êtes des rageux, nous des rageux. Haram alaikum. Alaikum haram.